19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Eh bien, ravi de vous retrouver une fois de plus pour 2 heures de métal de pure white noise dans vos oreilles pour vous décrasser les esgourdes, comme d'habitude. Donc ce soir, eh bien, qu'est-ce qui vous attend? Bien sûr, des nouveautés qui seront au nombre de 5, et puis des petites choses que j'ai un petit peu ressorties, des oubliettes, et puis bon, bah, en fonction de l'actualité, évidemment. Eh bien, je pense que le live de Slayer pour leur tournée d'adieu, The Repentless Killogy, pour commencer, ça peut le faire. C'est-à-dire, donc, bon, allez, pour commencer, un petit extrait donc, du dernier album studio Repentless qui était sorti en 2015. Et en live, When the Stillness Comes, voilà ce que ça donne. I'm a father's sorrow, make it right!

tout en douceur, hein, n'est-ce pas, pour commencer avec donc deux petits extraits du Live Testament de Slayer's Repentless Killogy, Live Forum in Inglewood, California. Sorti il y a de ça 8 jours, à l'instant You Against You et When the Stillness Comes, qui sont tous deux extraits du dernier album studio de la légende californienne, sorti en 2015. Restons aux USA avec quelque chose de plus soft, qui est tout récent aussi, c'est le nouvel album de Alter Bridge, Walk the Sky, donc Alter Bridge qui sera en concert là prochainement à Paris, je crois que c'est le 9 décembre à l'Olympia, pour défendre justement ce dernier opus, et on va se faire le petit morceau Wouldn't You Rather, et avant, petite intro qui s'appelle One Life. To find one night, we're so Ça faisait un bail qu'on ne vous en avait pas diffusé de Electric Shock, puisqu'il s'agit du groupe danois D.A.D. avec un extrait de leur album Dickneyland After Dark, qui était sorti en 2012, et c'était le morceau The End. D.A.D. qui, entre-temps, a sorti un nouvel album, ce qui est sorti là au mois de juin dernier, mais bon, que je n'ai pas pu me procurer, parce que bon, bah, vous savez ce que c'est, hein, le budget, on n'a pas tous un budget infini. Et D.A.D. qui sera en concert, dimanche soir au Petit Bain. Et, un petit scoop pour vous, non seulement j'aurai la chance de pouvoir y assister, donc je pourrai vous en parler la semaine prochaine, mais normalement aussi je devrais pouvoir vous ramener une interview exclusive, donc des Danois, ça devrait être, il devrait être un moment assez sympa. Juste avant D.A.D., c'était donc Alter Bridge avec Wouldn't You Rather et la petite intro One Life, tous deux extraits de Walk the Sky, leur dernier album. Ouais, il est sorti début octobre. Première nouveauté de la soirée. Maintenant, on va changer complètement de style. On va se faire un peu de dark metal, quelque chose d'un peu gothique. Et pour ça, on va se faire un petit extrait du split EP de Veil of Mist et Ancestral Legacy. C'est vrai que ce genre de procédé, split album, on voit plutôt ça dans le metal extrême, dans le grindcore ou dans le thrash et le hardcore, enfin ce genre de choses. Et donc, sur cet album, donc, on a deux groupes, un français et un norvégien. Et donc, ils en ont profité donc, pour proposer des titres inédits, des reprises, des choses comme ça, des choses assez intéressantes, des remixes. Et bah, pour ce soir, ce que je nous ai choisi, c'est un extrait donc, de Veil of Mist, un groupe français qui a sorti déjà un album, je crois, oui, attendez que je regarde la bio, qui était sorti en 2016. Et donc, ce split EP, c'est leur deuxième. Et donc, on va découvrir avec un morceau qui s'appelle The Flute and the Blade, Archangel of Terror Part 1. Extrait donc de Silent Frontier. We'll be right back. Inescapable Cycle, un petit extrait de The Outcome, de Remember the Light. Et bah ouais, c'était le dernier extrait, parce que ça y est, on a passé tout l'album. Faut dire qu'il n'y a que 6 morceaux, enfin 5, si on, enfin oui, 6 si on compte l'intro. Malheureusement, c'est un peu trop court. Je n'ai qu'une hâte, c'est de voir vraiment leur premier album véritable. Donc, à suivre. Juste avant, c'était Veil of Mist et un petit extrait de The Silent Frontier, le split album qu'ils ont fait avec le groupe norvégien Ancestral Legacy. Et le morceau qu'on a eu ce soir, c'était The Flute and the Blade, The Archangel of Terror, Part 1. Voilà. On va se passer quelque chose d'un petit peu plus bluesy maintenant, puisqu'on va revenir au live de Joe Bonamassa enregistré à l'Opéra de Sydney. Et il va nous emmener quelque part, puisque le morceau, c'est Drive. A conduit loin, très loin, l'ami Joe Bonamassa avec son live at the Sydney Opera House et le morceau Drive. Je pense que maintenant vous avez peut-être envie de quelque chose d'un petit peu plus couillu, je pense, ouais. Et bien pour ça, on va se faire une nouveauté, la deuxième de la soirée, avec un groupe bien de chez nous, puisqu'ils sont orléanais, ils existent depuis 10 ans, vous les connaissez peut-être, puisqu'ils ont déjà sorti 2 EP avant cela. Il s'agit de From Man to Dust, là, qui vient de sortir par contre son premier véritable album. Donc, From Man to Dust, ça taille dans le gras, c'est un mélange de death metal et de hardcore très efficace. Et vous pourrez bientôt les voir en concert, puisqu'ils seront le 6 décembre à l'Astrolabe, en compagnie de Betraying the Martyrs et Beyond the Sticks. Comme quoi, ça promet une soirée très très chaude. On découvre ça maintenant avec l'album Karma. Clear! Vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous écoutez bien Electric Shock, l'émission qui frappe et qui grille les neurones. Là, on s'en est grillé quelques-uns avec les Lyonnais de Dave Wade. C'est leur dernier album, Rapture Smites. Non, ça faisait quelques semaines qu'on vous n'avait pas passé. Tiens, d'ailleurs, pour info, Dave Wade, c'est bien, ça fait sa figure sur Rock Hard. C'est une des révélations du mois. Comme quoi, voyez, Electric Shock n'a pas attendu Rock Hard pour vous en faire parvenir puisque ça fait déjà quelques semaines qu'on en diffuse. Juste avant Dave Wade, c'est bien, c'était une nouveauté. Par contre, là, c'est bien chez nous puisque c'est des Orléanais. C'est leur premier album, bien qu'ils aient sorti déjà deux EP avant, qui s'appelle Repossession. Et là, on a eu droit au morceau Karma. Et From Man to Dust, si ça vous a plu, eh ben, vous pourrez les applaudir à l'Astrolabe le 6 décembre en compagnie de Between the Martyr et Beyond the Sticks. Eh bien, on va continuer avec un de mes albums préférés de cette année 2019. C'est le triple live d'Halloween, United Alive in Madrid, enregistré en novembre 2017 et qui est un bon résumé de ce qu'a pu être cette tournée grandiose qui a été la tournée Pumpkins United. Ben, je ne vais pas vous en reparler, je vous en ai déjà parlé ces dernières semaines. Écoutons plutôt, par exemple, Waiting for the Thunder. Yeah! Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Yes, you are. And they are perfect. Yes, you are so perfect. And he is perfect. And he is super perfect. And we are fucking perfect. And she is she perfect. Yes, we are perfect. Yes, we are. Perfect gentleman, yes I am, of course que je suis un perfect gentleman, et puis vous aussi vous êtes tous de perfect tous et toutes de perfect gentlemen. La preuve c'est que vous écoutez Electric Shock sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Et bien Perfect Gentleman et Waiting for the Thunder, c'était deux petits extraits du superbe dernier album live d'Halloween sorti au mois d'octobre, United Alive in Madrid, triple album s'il vous plaît. Et il est déjà presque 20h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, la première heure d'Electric Shock s'achève. Et on commence la deuxième, donc avec la troisième nouveauté de la soirée, avec un groupe parisien qui s'appelle Raga Raja, qui vient de sortir son premier album. Alors, le groupe existe depuis 2014, mais il a bien pris son temps pour peaufiner son truc. Alors, ça nous dit que, c'est vrai que j'ai lu des bios qui nous disent que c'est du métal progressif. Oui, si on veut, mais enfin, c'est pas dans le sens métal progressif, genre Dream Theater. Là, on est plutôt dans des choses un petit peu décalées, genre Meshuga, des choses un peu de djent, comme on appelle actuellement, avec un chant assez hurlé. D'ailleurs, c'est un peu peut-être le reproche que je ferais à ce premier album, c'est qu'il y a des idées intéressantes, et on sent que les gars maîtrisent bien leur truc, mais je trouve que le chant est un peu trop monotone et toujours assez linéaire. Enfin bon, ça c'est que mon avis. Et bien donc ce premier album qui est sorti le 1er décembre s'appelle Écosphère, et vous allez découvrir tout de suite avec le morceau qui s'appelle Premier Souffle, et juste avant il y a une petite intro très cinématographique. Thank you. foutre par notre fête. Nous traversons la défaite. Le gravier on la cesse. Pour ça, nous les verrons dans la bataille. Ils assument, c'est vraiment nos failles. Là, nous ne sommes pas où la nuit est honte. Si la haine, il est cabale. La profondeur de notre amour est pas du sang. Souffle, voilà, c'était un extrait donc de l'album Egosphère de Raga Raja avec sa petite intro et c'était donc la troisième nouveauté de la soirée. On va changer complètement de style, on va se faire quelque chose de beaucoup plus bluesy, on va revenir à l'album de Blackstone Chili, enfin son EP plus exactement Black to Blues Volume 2, dont on a eu le précédent en 2017. Et là, Blackstone Chili donc s'est attaqué une fois de plus à des classiques de blues. Ce soir, c'est All Your Love, le classique de Otis Rush, repris par Steve Ray Vaughan, Gary Moore et j'en passe, qu'on vous envoie tout de suite maintenant. I'm just kidding. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas passé de l'album de Avec pour leur 25 ans de carrière. Let's Party Down, et c'était I Can't Stop Thinking. Juste avant, avec Avec, puisque voilà comment on devrait prononcer. Un petit extrait de Blackstone Cherry, de leur EP Black to Blues Volume 2, avec le classique de Otis Rush, All Your Love, I Miss Loving. Continuons avec quelque chose de plus heavy maintenant, parce que, avec Amon Amarth, parce que Amon Amarth, eh bien, figurez-vous qu'ils vont jouer quand même au Zénith lundi soir, quand même, excusez du peu. Jusqu'à présent, ils nous avaient plutôt habitués aux salles genre Élysée Montmartre, Bataclan, Trianon, ce qui est déjà quand même pas mal du tout. Et là, ça c'est carrément le Zénith, en compagnie, excusez du peu aussi, de Arch Enemy et de Hypocrisy. Alors, pour tous les amateurs, ça va permettre une super soirée. Alors, comme je n'ai pas l'album Berserker, le dernier, par contre, j'ai le dernier live, The Pursuit of Vikings, qui était sorti l'année dernière. Et ben, on va s'envoyer un petit extrait de ce super live. Tout d'abord, First Kill. I'm gonna go. Le classique Dark Enemy Ravenous, extrait du live As the Stages Burn, c'est des DVD sortis en 2017. Et juste avant Dark Enemy, c'était Amon Amarth. Et leur pack, c'est des DVD également The Pursuit of Vikings, sorti l'année dernière, et le morceau First Kill. Et je vous rappelle qu'Amon Amarth et Dark Enemy, ainsi que Hypocrisy, seront au Zénith lundi soir à Paris. Une bien belle soirée en perspective. Encore une nouveauté, la quatrième de la soirée, là c'est quelque chose de beaucoup plus relax, même différent du métal, puisqu'il s'agit de nouvel album solo de Jan Akkerman, guitariste hollandais plutôt connu pour son groupe de rock progressif Focus dans les années 70. Alors son nouvel album solo, c'est son premier depuis 2011, alors je vous dirai pas combien il en a fait tellement il en a. Enfin là, sachez qu'on est plus dans le registre rock progressif, voire jazz rock, dans tout ce qui se faisait dans les années 70-80. Bon, il faut dire que le monsieur, il a 72 ans maintenant, et n'a plus grand chose à prouver, si ce n'est qu'il n'a envie d'une chose, c'est se faire plaisir, et montrer qu'il est toujours quand même capable d'écrire des petites choses assez sympathiques et qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Enfin, là, on a plutôt l'impression de faire un petit bond dans le temps avec des morceaux comme ce qu'on va vous se mettre ce soir, qui s'appelle Retrospection, avec plusieurs parties, dont Emotional Debris, The Power Behind the Throne, Hear the Freeze, Whistle for the Dog et Eurydice. Extrait donc de l'album Close Duty, sorti le 25 octobre dernier. Thank you. sympa ça, hein. On sent vraiment d'influences diverses, hein. On se croirait par moments chez Pink Floyd, d'autres on se croirait écouter Santana. C'était tout simplement Jan Akkerman, guitariste légendaire hollandais, son dernier album solo Close Beauty, avec le morceau donc Retrospection, qui comprenait les parties suivantes: Emotional Debris, The Power Behind the Throne, Hear the Trees Whistle for the Dog et Eurydice. Et on attaque la dernière demi-heure d'Electric Shock. Et pour ça, on va faire un bond dans le temps avec, dans la série Faisons du neuf avec du vieux. On va revenir donc à la réédition de Overkill de Motorhead pour les 40 ans. Et plus exactement au concert de Aylesbury Fires, enregistré en mars 1979, où figure une version assez tonitruante du Keep Us On The Road, qui figurait non pas sur Overkill, mais sur le premier album qui était sorti en 1977. Concrete staring. No! Dankeschön. I seem to have a budgerigar trapped in my amplifier. This one's one of our new album. Yeah, new album. This one's called No Class. Overdub, ça c'est du brut de brut, hein. Vous avez pu vous en rendre compte, hein, sur le classique No Class et Keep Us On The Road. Donc deux extraits du CD Live at Aylesbury Fire en bonus du Overkill remasterisé pour les 40 ans de la sortie de cet album mythique de Motorhead. On continue toujours en live, mais dans un registre complètement différent. On va faire un petit tour en Suisse avec les... Enfin, non, pas tout à fait en Suisse, puisque ça a été enregistré en, aux Allemagne. Je crois bien que le festival Masters of Rock vient de là. Avec le groupe Eluvesi, qui nous propose depuis déjà, oui, une bonne quinzaine d'années, voire même un petit peu plus, un mélange très séduisant entre death metal et musique folklorique, puisqu'on y retrouve aussi bien de la vielle que du violon... et tout ça de façon très équilibrée. Et on, ce soir, bah, c'est l'appel des montagnes, puisqu'on va aller faire un petit tour avec The Call of the Mountains. With our backs to the walls and against the stress and

Def Walker et The Call of the Mountains sont deux extraits du live at the Masters of Rock des LUVC qui sera en concert à Paris le 1er décembre prochain avec, je crois bien que c'est Lacuna Coil qui fait la première partie. Belle affiche. Eh bien, 20h50 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, eh bien, on va se faire encore une nouveauté, la cinquième et dernière de la soirée. Pour ça, on va faire un petit tour dans le nord de la France avec le deuxième album du groupe Abigail. Abigail qui propose un hard rock banal, on va dire quelque part, mais enfin bon, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Sans surprise, c'est du hard rock vraiment intemporel, comme on en écoutera encore dans 50 ans. Ça, c'est évident. Le seul reproche que je ferais, c'est que le mix de l'album, je trouve qu'il manque un petit peu de peps, et que bah, le chant, par contre, je suis sûr que mon ami Marc Patrick de Metal Eyes trouverait que la prononciation du gars laisse un petit peu à désirer, car lui, il est très à cheval là-dessus. Sinon, c'est à peu près les seuls reproches qu'on peut faire à ce disque qui s'appelle Gun Control. C'est leur deuxième, très entraînant malgré tout, et qui doit le faire sur scène. Et on va s'envoyer Scum. Sokkal inkább léteztünk rá. Rock and Roll Made in Hungary à l'instant avec Ocean et le morceau Megjalta Meni Es Poklod, extrait de Armeni Ozo sorti cette année. Voilà, j'espère que la prononciation n'est pas trop mauvaise. Et juste avant Ocean, c'était par contre bien de chez nous puisqu'ils sont du nord de la France, Abigail et leur deuxième album Gun Control, et c'était le morceau Scum. Est-ce qu'on se fait un petit dernier morceau pour la route? Oh bah oui, je crois qu'on l'a bien mérité. Eh bah tiens, on va revenir au CD-DVD live de Liaron, Power Soul and Rock and Roll Live in Germany. Et on va terminer l'émission avec un extrait de ce live du label canadien avec Fire and Gasoline, si vous voulez bien. You're gonna rust in the dust with a little more lust that's destructible. And you don't know, oh, should you stay or go? Let me assist you, so friends kiss you while I step on you with my stiletto. With every short skirt that's collectible. Like a professional. I say, why do I do the things I don't want to do in confessional? So say, baby, baby, my bad. Song. Fire and Gasoline de Lia Ron en live. Voilà, ce sera donc le dernier morceau d'Electric Shock ce soir. Eh bien, merci une fois de plus d'avoir été fidèle à l'écoute. Eh bien, je vous retrouve normalement, si tout va bien, la semaine prochaine pour encore des nouveautés, bien sûr, et peut-être quelques surprises. D'ici là, portez-vous bien, écoutez plein de métal et restez branchés sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Salut à tous!